Analyse du 31 décembre 2022. Thierry Pirlo, Sherpa One. 2023. Année charnière et de transition. Depuis 3 ans, j'explique à qui veut l'entendre une histoire incroyable qui me prendrait au bas mot 4 heures pour juste en faire le contour sur l'existence d'une cabale pédosatanique qui a planifié la mise en esclavage de l'humanité sous couvert d'un nouvel ordre mondial communiste et transhumaniste 2.0. Cette histoire serait vraiment déprimante si je ne vous racontais pas en même temps celle d'un plan de sauvetage de notre humanité perdue. Celle de l'existence d'un organe d'information militaire appelé Q ou Q-Force et d'une opération extraordinaire réunissant une alliance de plusieurs pays et de leurs dirigeants pour inverser le processus mondialiste orwellien en cours. Cette alliance a sans doute vu le jour en 1964, après l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy, le 22 novembre 1963. JFK avait promis aux Américains de détruire le Deep State US et son complexe militaro-industriel. Et il en est mort. Il est mort pour les Américains, mais aussi pour nous tous. JFK était ce que l'on appelle un mouton noir. Et il était le Q originel. JFK a été le déclencheur de toute cette opération de contre-mesure, de hameçonnage, d'information et de désinformation. Il aura fallu 56 ans pour amener en secret cette alliance à maturité. Son seul but a toujours été de détruire le plan mondialiste, lequel se préparait déjà à cette époque depuis de nombreuses décennies et dont l'achèvement était prévu en 2030. Nous sommes à la fin de 2022 et le plan de Q annonce depuis des années la mort programmée de ce Deep State et de ce nouvel ordre mondial le 31 décembre 2022. Q nous dit depuis fin 2017 que nous sommes dans un grand film. Et c'est effectivement le cas pour celles et ceux capables de le décoder et de le comprendre. Bien sûr, les Covidios irrécupérables, en attente de leur prochaine injection, nous prennent tous pour des tarés et des complotistes. Cette théorie conspirationniste incroyable ne fait cependant pas l'unanimité dans toute la complosphère. Les derniers éveillés sont d'ailleurs les plus impatients et en majorité encore très sceptiques quant à la fin du mondialisme. Certains voient donc ce nouvel ordre mondial s'instaurer de manière inéluctable, sans aucun pare-feu, ni alliance, ni encore moins d'une Q-Force, qu'ils voient comme une pseudo-opposition mise en place par les contrôleurs eux-mêmes. Mais une petite minorité, dont j'ai l'honneur de faire partie, croit de manière inconditionnelle dans le plan de l'Alliance, qui est selon mon cœur un plan génial et divin, pour ne pas dire biblique. Cependant, même s'il n'est pas évident de croire sans preuve, il suffit simplement d'éteindre la TV et d'ouvrir les yeux pour comprendre le monde. Voir ce que l'on croit, et non croire ce que l'on voit. Et ce que nous voyons en cette fin d'année, ce sont notamment les vérités qui s'annoncent pour 2023. Les festivités débutant par la déclassification, certes partielle, des documents relatifs à l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy à un instant T, qui n'aura rien à voir avec le hasard. Le hasard étant une invention de la CIA, vous vous rappelez? Vous voulez une deuxième synchronicité du plan? La mort de Benoît XVI aujourd'hui, le 31 décembre 2022, à l'heure où j'écris ces lignes. Pape blanc démissionnaire, si on peut dire. Faux pape, dans tous les cas. Un autre faux pape jésuite devrait le suivre très prochainement, s'il n'est pas déjà remplacé. Le nouvel ordre mondial est mort-né, et c'est une très bonne nouvelle. C'est terminé, mais le grand film de l'Alliance, lui, ne l'est pas. Car le grand réveil, The Great Awakening, se poursuit et ne s'arrêtera qu'avec 96% d'éveillés. 4% selon Q ne passeront pas le cap. 2023 sera donc une année charnière difficile. Surtout pour toutes celles et ceux qui dorment encore. Et c'est un euphémisme. Les grandes révélations arrivent et n'épargneront personne, même pas les éveillés. Et 2024 sera encore bien plus fascinante. L'Apocalypse, qui veut dire dévoilement et révélation, est en cours. Et cette année sera la liaison pour nous permettre d'accéder au monde qui s'en vient et qui ne reproduira plus les erreurs du passé. Un passage obligé vers le nouveau monde en 2025. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente année de révélation et de transition sans aucune peur et dans la foi de ce qui nous attend pour notre plus grand bonheur et surtout pour le futur de nos enfants. The best is yet to come. Where we go one, we go all. Sherpa One.